Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les Jeux olympiques de Mexico en 1968, les Jeux du point levé contre le racisme. Hoy, 12 de octubre de 1968, declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México, que conmemoran la 19ª Olimpiada de la era moderna. Le président mexicain Gustavo Díaz, qui déclare ouvert les Jeux de Mexico en 1968, quelques jours avant l'ouverture des Jeux, ce même président mexicain se demandera pourtant s'il sera en mesure d'accueillir les Jeux. Le 2 octobre 1968, 10 jours avant l'ouverture des Jeux, une manifestation étudiante sur la place des Trois Cultures se termine en véritable massacre. Des centaines de manifestants sont abattus par les forces de l'ordre. La tension est donc à son comble quand commencent les Jeux, et c'est sans compter le coup d'éclat que réserve deux athlètes noirs américains aux organisateurs des Jeux quelques jours plus tard lors de la remise de médaille du 200 mètres hommes. Les rues de la ville sont-elles gardées par les soldats? Seulement la place des Trois Cultures que j'ai visitée, non seulement par les soldats, mais aussi par les chars d'assaut et par les granaderos. Les Jeux eux-mêmes, alors, comment se déroulent-ils? Les Jeux se déroulent très, très bien. Tout s'est bien passé jusqu'ici. Et il reste encore une semaine. Il reste quand même la moitié des Jeux à présenter. Et ces Noirs américains, alors, est-ce qu'ils manifestent beaucoup? Seulement un petit groupe de Noirs américains se servent du podium pour manifester calmement, malgré tout, leur opinion. Quel émoi ça crée dans les Jeux? Ça crée un émoi au sein du comité olympique international, surtout auprès du comité olympique américain. On a voulu expulser et Carlos et Smith, mais le comité olympique mexicain et le gouvernement mexicain a dit à Carlos et Smith de rester tant qu'ils voudraient. Richard Garneau, en conversation avec Pierre Nadeau au Radio-Journal du 21 octobre 1968, la manifestation de Noirs américains aux Jeux dont il est question dans cet extrait fait référence à ce geste de protestation contre le racisme aux États-Unis que poseront Tommy Smith et John Carlos lors de la cérémonie des médailles du 200 mètres hommes le 16 octobre 1968. Pour nous raconter l'histoire des Jeux de Mexico, la politologue de l'Université de Sherbrooke, habituée de l'émission, Karine Prémont. Karine, bonjour. Bonjour. Karine, les Jeux de Mexico sont donc marqués par deux événements. Essentiellement ce massacre de la place des Trois Cultures juste avant l'ouverture des Jeux, et puis ce geste de protestation de Tommy Smith et de John Carlos lors de la remise des médailles du 200 mètres hommes. Commençons par le massacre de la place des Trois Cultures. Ça arrive le 2 octobre 68. On est à une dizaine de jours avant l'ouverture des Jeux. Un peu de contexte d'abord pour nous expliquer comment on en arrive à cette manifestation et à ce massacre. On en arrive à ce massacre-là parce que ça fait déjà 10 ans que le gouvernement mexicain exerce une assez forte répression contre les leaders politiques qui s'opposent à lui, évidemment. Ce sont surtout les mouvements étudiants qui vont incarner le mécontentement de la population à l'égard du gouvernement. Donc, depuis plusieurs années, et je vous dirais depuis le début de l'été en particulier, parce que les étudiants vont se servir des Jeux olympiques comme vitrine pour exprimer leur révolte. On va voir ça à d'autres moments dans l'histoire. La place Tiananmen, notamment, est un autre exemple de cette vitrine internationale pour en profiter pour présenter nos revendications. Donc, ça fait une dizaine d'années que la colère gronde, que les mouvements étudiants font des gestes d'éclat, manifestent, occupent des lieux publics en même temps que le gouvernement répond de plus en plus par la force à ces demandes-là, ces revendications-là. On demande essentiellement une plus grande autonomie des universités, d'abord, parce qu'on sent que le contrôle gouvernemental est très serré sur les universités. On demande aussi une police plus autonome du pouvoir politique. Mm-hmm. Et c'est là, justement, où le gouvernement et les étudiants vont s'affronter. On aura une organisation de ce mouvement-là. Et comme je dis, pendant 10 ans, là, les tensions croissent et différentes manifestations là, vont rajouter de l'huile sur le feu, en particulier à partir de l'été 68. Parce qu'il est très chaud cet été 68. Oui. Encore une fois, c'est beaucoup le mouvement étudiant dont les questions. Il y aura occupation de certaines universités. Oui. Et autant pour les étudiants, les Jeux qui s'annoncent sont une vitrine extraordinaire, autant le régime, parce que ces Jeux s'en viennent, est ultra nerveux. Tout à fait, parce que le Mexique aussi veut sortir de l'ombre. Le Mexique aussi veut se servir de ces Jeux-là comme vitrine pour démontrer son sérieux, pour démontrer qu'il veut jouer un rôle actif sur la scène internationale, pour démontrer ses capacités d'être un partenaire économique important. Ouais. Donc, pour le Mexique, c'est très important d'avoir cette visibilité-là et souhaite effectivement le mettre le couvercle sur la marmite pour offrir la meilleure image possible au monde entier. Mais le 2 octobre 68, ça va éclater. Qu'est-ce qui se passe ce soir-là à la place des Trois Cultures? Il y a environ 5000 personnes, beaucoup d'étudiants essentiellement qui vont se regrouper à la place des Trois Cultures et le gouvernement décide de lancer l'assaut, décide de s'en prendre aux étudiants. Il y aura des tirs, il y aura environ 200 à 300 morts. Les chiffres ne sont pas exacts, dépendamment évidemment des sources qu'on examine. Et là, il y aura toute une protestation, effectivement, parce qu'on va dire que du côté des étudiants, que ce sont les forces de l'ordre qui ont tiré en premier. Les forces de l'ordre vont dire non, ce sont les étudiants. On apprendra quelques années plus tard qu'il y avait effectivement des forces de l'ordre qui avaient infiltré le mouvement et qui ont provoqué, en fait, cette escalade-là. Et évidemment, là, ça va mettre le feu aux poudres et ça fera en sorte que lorsque les Jeux vont débuter, le Mexique est encore sous haute tension. Évidemment, ça s'inscrit, ce mouvement étudiant mexicain de 68, dans un contexte plus large, la fameuse année 68. Oui. C'est une année chaude, ça brasse pas mal partout dans le monde, en Occident en tout cas. Écoutez, justement, à ce propos, Marcelino Parello, il est leader étudiant mexicain en 68. Il parle justement de tout ça, du sens qu'il faut donner à la manifestation de la place des Trois Cultures, à Étienne Leblanc, dans un reportage diffusé à l'émission Sans frontières en 2002. Le crime du 10 octobre a été un crime politique, et c'est de ça qu'il faut parler. Notre mouvement était essentiellement un mouvement révolutionnaire qui était inscrit avec le reste du mouvement d'étudiants révolutionnaires dans le monde, à Paris ou à Berkeley. Et c'est dans ce cadre-là que s'est produit la répression et l'assassinat de Tlatelolco. La massacre en Tlatelolco nunca habré. Nunca habremos de olvidar la masa, la masacre en Tlatelolco nunca habré. Donc ça éclate à Mexico en 68, Karine Prémont, mais on l'a bien entendu, ils en sont très conscients, les leaders étudiants de l'époque. Il y a ce grand mouvement partout dans le monde en 68. Oui, le Mexique ne fait pas figure d'exception. On pense spontanément à mai 68 en France, où les étudiants effectivement se révoltent contre une façon de faire qu'ils jugent un peu archaïque. On voit différents coups d'éclat dans le monde aussi. C'est le printemps de Prague qui sera sévèrement réprimé par l'URSS. Donc il y a toute une atmosphère en fait, de révolte qui existe. C'est la fin d'un monde et le début d'un nouveau. Et ce choc-là, autrement dit, ce choc de génération, d'une certaine façon, parce que c'est souvent des étudiants qui vont porter ces mouvements-là, vont avoir des répercussions partout à travers le monde. Et ça va donner aussi, un peu d'espoir aux groupes revendicateurs. Ça va donner, justement, peut-être une force de mobilisation plus grande pour des groupes minoritaires qui vont décider de se servir un peu de tous les événements possibles et imaginables pour se libérer un peu de ce qu'ils considèrent comme étant des chaînes, quelles qu'elles soient. Alors, les Jeux commencent à Mexico le 12 octobre. Mm-hmm. Et là, on entre vraiment dans le stade, dans le grand stade de Mexico, avec cette petite bombe qui explose le 16 octobre. Qu'est-ce qui se passe le 16 octobre? Le 16 octobre, il y a une course de 200 mètres qui se déroule et celui qui finit premier est l'Américain Tommy Smith, celui qui finit troisième est l'Américain John Carlos. Ce sont deux Afro-Américains. Et là, ce qui va se passer, ça se passe à la remise de médailles. Donc, à la remise de médailles, les deux hommes vont décider de faire un coup d'éclat, vont décider de rendre visible cette lutte qu'ils mènent, qui est axée sur, évidemment, les revendications des mouvements pour les droits civiques aux États-Unis, donc les droits des Afro-Américains. Et donc, vont décider de faire l'étalage, en fait, des symboles qui sont associés à ce mouvement-là. Donc, notamment de se ganter le poing. Donc, chacun va porter un gant noir. On va lever le poing dans les airs pour signifier, justement, la force du mouvement et l'unité des Noirs aussi. Ce geste-là, il est très, très, très associé au mouvement pour l'égalité des Noirs aux États-Unis. Exactement. Et, ouais. Et aux Black Panthers, exactement, dont on pourra éventuellement reparler. Ils sont déchaussés pour montrer à quel point leur communauté vit dans la pauvreté également. Portent un foulard où on le colle ouvert pour faire référence au lynchage, à l'esclavage. l'esclavage. Donc, on voit en fait qu'il y a une espèce de mise en scène voulue et tout à fait assumée pour dénoncer les conditions dans lesquelles les Afro-Américains vivent aux États-Unis. 1968, on aura l'occasion d'en reparler. Ça fait plusieurs années que ça brasse à ce niveau-là aux États-Unis. C'est très tendu encore. Donc, ce qu'il voulait, c'est effectivement faire ce geste d'éclat pour apporter au monde entier, en fait, ces revendications-là et leur dire voici dans quelles conditions nous vivons à l'heure actuelle. La même idée que les étudiants, quelques semaines avant les Jeux, oui. Cette tribune, cette visibilité extraordinaire qu'offrent les Jeux olympiques, Carlos et Smith le sentent bien que ça existe. Oui. Ils ne sont pas seuls. Hein. Ils sont donc les deux Américains sur la première marche du podium et la troisième. Entre les deux, la médaille d'argent appartient à un Australien qui, lui aussi, va participer. De quelle manière Peter Norman sera solidaire de ce geste d'éclat? Ce troisième homme qu'on oublie souvent, oui. Effectivement, mais qui a fait partie de cette mise en scène-là, parce que, évidemment, Smith et Carlos vont l'aborder avant la remise des médailles, vont lui dire est-ce que vous croyez dans les droits humains? Est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que cette cause-là vous apparaît juste? Et l'Australien va dire, ben oui, effectivement, je partage vos préoccupations, je suis prêt à faire quelque chose. Alors, il portera, lui, un macaron pour soutenir cette cause-là. Et c'est lui qui aura l'idée de diviser le gant en deux, la paire de gants en deux, parce qu'un des deux hommes a oublié sa paire au village olympique. Alors, il dira, ben, partagez-vous le gant. Comme ça, vous aurez tous les deux ce symbole-là très fort à présenter. Donc, il y a cette petite concertation, mais vraiment quelques minutes avant la remise des médailles. Puis, anecdote, mais quand même, ils vont devenir amis. Peter Norman va mourir en 2006, assez jeune. Oui. Et les deux Américains vont se rendre aux funérailles, en Australie, donc, de Peter Norman. Ce geste-là, évidemment, il s'inscrit, puis on l'a un petit peu évoqué, Karine, mais dans un contexte plus large, aux États-Unis, mais aussi dans le mouvement olympique. Oui. Hier, en 68, avant les Jeux, il y a cette idée de boycott. Oui. Les athlètes afro-américains se sont alliés avec des intellectuels, avec d'autres personnalités de la société civile, en particulier aux États-Unis, pour boycotter les Jeux de Mexico, en raison notamment de la présence de l'Afrique du Sud et de la Rhodésie qui, on le sait, avaient des politiques d'apartheid. Alors, en signe de protestation, se sont dit il faudrait boycotter ces Jeux. Ils ont mis sur pied un mouvement, le projet pour les droits humains durant les Jeux olympiques et finalement vont faire pression pour que l'Afrique du Sud et la Rhodésie ne soient pas invités. Et effectivement, le comité olympique va reculer sur cette question-là, va désinviter, si on veut, l'Afrique du Sud des Jeux. On demande également d'autres choses, notamment la démission du président du CIO qu'on accuse d'être raciste. Pendant les Jeux de 1936 à Berlin, il aurait accepté le salut nazi alors qu'il prône lui-même la dépolitisation des Jeux olympiques. Alors, Smith et Carlos avaient d'ailleurs prévu de ne pas lui serrer la main à la remise des médailles si jamais il se présentait, ce que le président n'a pas fait. Hein, c'est lui Brundage, qui est là. Voilà. Ouais. Donc, qui ne s'est pas présenté d'ailleurs à cette remise de médaille-là. Donc, il y a toutes sortes de choses qui sont dans l'air à ce moment-là. Mais évidemment, le boycott va tomber à l'eau parce que l'Afrique du Sud, finalement, ne sera pas invitée aux Jeux. Alors, c'est à ce moment-là que Smith et Carlos se sont dit il faudrait qu'on fasse autre chose pour que notre cause ne meure pas malgré l'absence de l'Afrique du Sud. On peut penser qu'ils. C'est déjà dans leur tête, là, au moment du coup de pistolet de départ du 200 mètres, ils savent on va gagner et on va se souvenir qu'on a gagné. Voilà. Ils ne savent pas encore. De quelle façon ce geste-là sera posé, mais ils veulent faire quelque chose absolument et ça commence déjà à se préparer dans leur tête avant même le début de la course. Il faut revenir dans le contexte 68, mais aux États-Unis, la situation des Noirs, qui est très, très, très difficile. Bon, une des revendications, c'est que l'Afrique du Sud ne soit pas à ses Jeux parce qu'il y a un régime officiel d'apartheid. Mais aux États-Unis, est-ce qu'on peut parler d'apartheid officieuse? En tout cas, la situation des Noirs, elle est encore très, très, très difficile. Oui. C'est l'année où Luther King, quelques mois avant les Jeux de Mexico... En avril 68, Martin Luther King est assassiné. Et on peut imaginer là, les tensions que ça crée parce que, bien sûr, la ségrégation raciale, elle est interdite depuis 1964, donc ça fait quand même pas très longtemps. Mais sur le terrain, la situation ne se règle pas, évidemment, au lendemain de la signature de la loi, on peut l'imaginer. Alors, la déségrégation prend beaucoup de temps et se fait pas nécessairement en douceur. Et avec l'assassinat de Martin Luther King, ce qu'on va voir aux États-Unis, en fait, c'est un mouvement pour les droits civiques qui va se déchirer un peu parce qu'on ne sait pas trop quelle marche à suivre. Est-ce qu'il faut emprunter une voie pacifique comme le prônait le Dr. King? Est-ce qu'au contraire, c'est un discours à la Malcolm X un peu plus radical qui devrait être un guide pour nous? Donc, on se pose beaucoup de questions sur la façon dont il faut conduire cette lutte-là, oui. Sur la façon dont il faut continuer à revendiquer des choses. Profitons-en parce que vous évoquez ce choix à faire à cette symbolique associée aux Black Panthers. On en a parlé, mais les Black Panthers, c'est ça, en fait. Oui. c'est la résistance dans l'action, disons ça comme ça. Disons ça comme ça. Les Black Panthers, en fait, sont un groupe plutôt récent à ce moment-là. Ils ont été créés en Californie par les célèbres Bobby Seale et Huey Newton, qui se sont inspirés à la fois de Malcolm X, à la fois du marxisme, pardon, à la fois du nationalisme afro-américain. Ils ont établi un programme en 10 points qu'ils vont présenter, qu'ils vont rendre public en 1967. Et donc, c'est un programme assez étoffé pour permettre à la communauté noire d'avoir accès notamment au logement, avoir accès à l'éducation, de faire cesser le profilage racial. Donc, c'est pas d'hier qu'on aborde cette question-là. Ils vont aussi proposer des programmes sociaux intéressants pour leur communauté, notamment les petits déjeuners dans les écoles défavorisées, qui ont eu des ramifications partout, ouais. Partout dans le monde. Et donc, mais c'est un groupe qui est plutôt radical, qui aura une branche armée, exactement. En fait, le Black Liberation Army, pardon, qui commettra des gestes, des actes terroristes, qui détournera des avions, etc. Mais les Black Panthers ont essayé justement de donner une direction à ces mouvements pour les droits civiques là, qui s'éparpillent un peu depuis la mort du Dr. King. Revenons, Karine Prémont, à ce podium, à ce geste de contestation sur ce podium devenu historique le 16 octobre 68. Comment les autorités olympiques, Karine, réagissent à ce geste-là? Très mal, on peut l'imaginer. Surtout qu'on voulait des Jeux apolitiques pour poursuivre cette tradition des Jeux olympiques, effectivement, où on essaie d'éviter ces scandales de nature controversée. Donc, le président du CIO va demander à l'équipe américaine de bannir Smith et Carlos de leur équipe. Il y aura protestation de l'équipe américaine en disant, ben, écoutez, nous, on ne veut pas les bannir. Et le président va dire, ben, si vous ne le faites pas, je vous bannis, vous tous. Alors, évidemment, la décision sera prise de chasser les deux athlètes du village olympique. Et il faut dire que les Américains eux-mêmes sont très étonnés de ce geste-là. Ils ne l'apprécient pas particulièrement parce qu'ils pensent que ça donne une mauvaise image de leur pays également sur la scène internationale. Donc, ça va ternir ces Jeux-là et le Comité olympique va réagir très fortement. Tommy Smith, lui, en tout cas, reste très, très fier du geste qu'il a posé avec John Carlos le 16 octobre 68. Il en parle à l'émission Les Jeux olympiques, reflet de l'histoire, extrait d'entrevue diffusé en 1976. Vous savez, les athlètes noirs, pas seulement les athlètes, tous les noirs, on leur a toujours répété, faites ce qu'on vous dit et ne pensez pas. À cette occasion-là, à Mexico, le monde a vu que les athlètes noirs avaient aussi une cervelle. C'est pour ça que je suis particulièrement fier de ces Jeux olympiques de 1968. Parce que ce n'était pas un mouvement dirigé. Personne ne nous a dit « fais ceci, fais cela ». C'était une décision personnelle de chacun d'entre nous. Alors, si Tommy Smith assume et revendique encore aujourd'hui ce geste-là complètement, ce coup d'éclat du 16 octobre 68, Karine Prémont, il reste qu'il va le payer cher, lui, Carlos, l'Australien Peter Norman. Quel prix leur fera-t-on payer pour ce geste? Bien, d'abord, on ne reconnaîtra pas leur record olympique. Ensuite, on va les interdire de compétition à vie dans les compétitions professionnelles. Alors, très rapidement, on les met au banc de la société. On leur interdit ce dans quoi ils sont bons. Autrement dit, on va les chasser complètement du domaine sportif. Certains, ils recevront des menaces de mort, connaîtront des problèmes personnels, évidemment, le divorce, suicide de l'épouse de Carlos, notamment des problèmes financiers. Donc, c'est la déchéance, en fait, purement et simplement pour eux. Ils sont vraiment mis au banc de la société. Ça prendra quelques années avant que cette réhabilitation-là se met en place. Par exemple, on sait que John Carlos, par exemple, va participer à l'organisation des Jeux olympiques de Los Angeles en 84. Donc, progressivement, ces deux hommes-là seront élus aussi au Temple de la renommée de l'athlétisme. Mm-hmm. Donc, ils seront réhabilités, mais connaîtront plusieurs années de misère. Exactement. Mais deviendront footballeurs aussi. Oui, notamment à Montréal et à Toronto. Ouais. Les deux hommes vont jouer au football professionnel et vont finir par être entraîneurs en athlétisme finalement dans des universités américaines. Et auront leur place au Panthéon. Donc, un long détour qui aurait été une traversée du désert. Une traversée du désert, mais qui était néanmoins nécessaire dans les circonstances. Ces hommes-là ont joué un rôle fondamental dans la reconnaissance des problèmes que les Afro-Américains vivaient à ce moment. Un mot sur les Jeux de 68, sur un plan plus sportif, plus olympique, si je puis dire. Il y a quelques éléments intéressants à signaler qui sont liés à ces Jeux. D'abord, évidemment, le site de Mexico. On est à 2250 mètres d'altitude. Il y aura un effet altitude. On écoute René Lecavalier en parler à Andréane Lafont déjà en juillet 68, à l'approche des Jeux, quelques mois donc avant l'ouverture des Jeux. Vous avez parlé, René Lecavalier, de problèmes. Et il y en a un dont on a beaucoup entendu parler, c'est l'altitude à Mexico. Oui. Et ça, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que lorsque on a décidé d'octroyer les Jeux à la ville de Mexico, il y a eu des protestations assez véhémentes même de la part, disons, des coureurs de fond, parce que là, eux disaient que ça devenait injuste. Mais c'est un fait que ce sera un problème majeur, tellement qu'hier, on annonçait encore que l'équipe canadienne, comme la plupart des autres équipes, ira s'entraîner au Colorado, un endroit où l'altitude est à peu près équivalente à celle de Mexico. Et cet effet de l'altitude, Karine Prémont, il se fera très, très nettement sentir aux Jeux de Mexico quand on regarde les résultats. Oui, ce sera très difficile pour les athlètes qui s'inscrivent dans des épreuves d'endurance, mais cette altitude-là va avantager les gens qui font des activités qui sont à très forte intensité sur une courte période. Donc, en athlétisme, ça va avoir un effet là, assez marquant, alors que, par exemple, des épreuves comme le cyclisme ou la natation, là, on sent que c'est difficile là, d'atteindre un certain niveau. Et ce sera une controverse parce que certains athlètes vont dire « Nous sommes désavantagés, c'est impossible pour nous de bien performer », alors que d'autres auront droit à des records de toutes sortes. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont été établis à Mexico, qui n'ont pas encore été battus à ce jour, tellement ça faisait une différence importante pour certaines activités. Et puis ces Jeux olympiques de 68, c'est aussi les Jeux de nombreuses premières. Oui. Bien, en fait, c'était des Jeux qui étaient, même si on les voulait apolitiques, plutôt politiques, parce que c'est la première fois que les deux Allemagnes compétitionnaient de façon séparée. On se rappelle que la guerre froide a eu de ses étrangetés, notamment d'avoir deux Allemagnes à un moment donné. Donc une équipe république de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest, effectivement, qui se font compétition. On aura aussi une gymnaste tchécoslovaque qui veut dénoncer l'invasion soviétique de son pays et qui va détourner le regard lors de l'hymne national soviétique à la remise des médailles. C'est aussi les premiers tests antidopage qui vont se faire aux Jeux de Mexico et aussi la première fois qu'on va vérifier le sexe des athlètes pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'hommes dans les équipes de femmes. Alors, tous ces éléments-là vont faire de ces Jeux un événement assez particulier, d'autant plus qu'on y rajoute ce geste d'éclat des Américains. Et ça reste, ce geste d'éclat, au fond, ce qui marquera le plus les Jeux de 68. Avec le recul, Karine Prémont, est-ce qu'on peut mesurer quel effet, quel impact aura eu ce geste de Smith et Carlos? Je pense que les historiens d'aujourd'hui s'entendent pour dire que ce geste-là a été, si on veut, une façon d'éveiller les consciences des Américains moyens sur ce qui se passait dans leur propre pays, dans la mesure où les troubles raciaux étaient surtout localisés dans les quartiers particuliers ou dans des centres urbains particuliers, alors que là, soudainement, on regarde les Jeux olympiques et là, on réalise que c'est de notre pays dont on parle et qu'il y a peut-être effectivement un problème si on considère qu'il y a deux classes de citoyens. Et je pense que ce geste-là va conscientiser la majorité des Américains, peut-être pas sur le coup, effectivement, parce que cette question d'image, cette question de vitrine dont on parlait tantôt, mais ce qu'on en retient aujourd'hui, c'est en même temps la nécessité de gestes d'éclat comme ça, de la part de ce qu'on appelle les héros ordinaires d'une certaine façon, donc qui ne sont pas des politiciens, qui ne sont pas des leaders politiques, mais qui disent « ça suffit et voici moi ce que je peux faire avec le peu dont je dispose ». Et c'est ça qui, à la longue, finit par faire une différence. Karine Prémont, politologue à l'Université de Sherbrooke. Merci infiniment, Karine. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.